la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Nous devons nous préoccuper des nouvelles de notre pays, de connaître comment les gens vivent. Quelle est la situation sociopolitique? Quelle est la situation sanitaire? Il y a par exemple des épidémies qui commencent à ravager nos pays. Lorsque j'entends ces nouvelles, je ne peux pas être indifférent. Je dois donc me préoccuper. Et vous voyez ici, Néhémie, c'est un homme qui sait commencer la conversation. C'est lui qui pose des questions. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Quel que soit ton rang social, tu dois t'intéresser aux problèmes des autres. Tu dois t'intéresser aux problèmes de tes membres de famille, de tes petits frères, de tes parents. Il faut poser des questions pour connaître ce qu'ils vivent. Deuxième devoir du croyant ou du chrétien vis-à-vis de son pays, nous devons prier et jeûner pour notre pays. Surtout lorsque nous apprenons des mauvaises nouvelles, nous devons prier, nous devons nous humilier. Nous ne devons pas nous limiter à lire des journaux, être des titrologues pour commencer tout simplement à en parler. Lorsque nous apprenons qu'il y a des calamités, lorsque nous apprenons, nous voyons que la situation sociopolitique, lorsque nous voyons que la situation sanitaire, lorsque nous voyons qu'il y a des choses, des problèmes au niveau de la nation, nous devons jeûner et prier. C'est ce que Néhémie a fait. On lui a dit que ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Parce que la muraille de Jérusalem était démolie, ainsi que les temples. Et ceux qui étaient restés étaient dans l'opprobre. Les nations voisines se moquaient. Ils se posaient des questions. Ils disaient, mais où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu de Juda? Il dit, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque Néhémie a pris cela, il a pris du jour dans la prière et dans le jeûne. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entendons des mauvaises nouvelles dans les médias, par le biais de la radio, la télévision, les médias sociaux, lorsque nous apprenons qu'il y a des guerres, lorsque nous apprenons qu'il y a des attentats, lorsque nous apprenons qu'il y a des tensions politiques, il y a des rébellions, il y a des menaces de sécession, lorsque nous apprenons qu'il y a des attentats, des guerres civiles, lorsque nous apprenons qu'il y a des épidémies qui ravagent notre peuple, nous ne devons pas rester indifférents. Nous devons suivre l'exemple de Néhémie, prier. Nous devons prier et jeûner pour nos pays. Non seulement pour notre pays, même pour d'autres pays en Afrique et dans le monde qui vivent des situations difficiles. Troisième devoir du chrétien ou du croyant vis-à-vis de son pays. Nous devons nous identifier aux péchés de notre peuple et les confesser devant Dieu. Lorsque nous nous rendons compte qu'un malheur qui survient dans notre pays, ou même dans notre village, dans notre famille, vient du péché ou des péchés que nous avons commis, ou des péchés que nos dirigeants ont commis, ou de ceux que nos parents ou nos arrière-grands-parents ont commis, nous devons nous identifier. C'est-à-dire, c'est comme si c'est nous qui les avons commis. Et nous devons nous humilier pour demander pardon au Seigneur. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Il y a un principe, il y a certains problèmes que nous vivons. Par exemple, il y a des familles où il y a des blocages. Personne ne se marie ou personne n'évolue sur les plans matériels, sur les plans financiers. Vous savez, parfois, ce sont des conséquences des pratiques mystiques, des pratiques idolâtres, des pratiques de sorcellerie que nos parents, nos arrière-grands-parents ont fait. Parce que ces pratiques irritent Dieu. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'aux fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et Néhémie s'est rendu compte que si le peuple d'Israël a été déporté en captivité, si Juda a été déporté en captivité à Babylone, si les murailles de Jérusalem ont été démolies, et même les temples, c'est à cause du péché des enfants d'Israël. C'est pourquoi il a commencé à confesser ce péché-là. Il n'a pas dit, bon, moi je n'ai pas péché, c'est les autres, non. Il s'est identifié comme si lui-même a péché. Écoutez ce qu'il dit.

le nom de Jésus. Les épreuves fléchiront devant le nom de Jésus. Les célibats fléchiront devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, yo yo yo yo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu souverain, le Dieu qui nous garde. Élevons nos voix, bénissons son nom. Rien n'échappe à ton contrôle, éternel notre Dieu. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît tout, le Dieu omniscient. Ô éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom en ce moment. Nous t'élevons et nous te glorifions. Toi, le Dieu qui ne change pas. Toi qui es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, celui qui nous donne la force de te servir. Oh, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu, toi qui nous aides à nous attacher à toi et à nous détacher au monde. Oui, tu es celui qui nous aide à porter les fardeaux de nos familles et de nos nations. Sois béni, notre Seigneur et notre Dieu, toi qui écoutes la prière et qui pardonne nos péchés. Nous te bénissons pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Oh, sois béni notre Dieu, toi qui nous laves et qui nous purifie. Merci, toi qui nous conduis de victoire en victoire pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Goumbi. Notre passage du jour, c'est Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB par WhatsApp à partager avec des amis, à partager avec des parents partout dans le monde. Et nous saluons tous ceux qui suivent OSB. Que Dieu vous bénisse. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que nous nous intéressions aux nouvelles de nos pays et que ces nouvelles puissent déclencher en nous la compassion en faveur de notre nation, comme l'a fait Néhémie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. La force dans la prière. te rendons gloire ce matin parce que nous sommes en vie et nous allons continuer à vivre, à être toujours présents au devant de toi pour t'apporter ce peuple qui nous écoute, pour t'apporter ce peuple qui a beaucoup de difficultés. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous entends. Tu nous entends et tu nous exauces. C'est pour cela que tu nous as donné ce moyen pour pouvoir communiquer avec toi. Merci parce que tu permets qu'on voyage, qu'on soit en ville, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Asie. Là où nous sommes, nous devons nous souvenir. Nous devons nous rappeler que nous sommes quittés de quelque part. Nous souvenir de nos familles. Nous souvenir de notre région. Notre région, nous souvenir de notre pays. Nous souvenir de ceux-là, Seigneur, que nous aimons. Là où nous sommes nés. Là où tu nous as bénis, où se trouvent nos parents. Se trouvent nos concitoyens. Nous devons nous soutenir, nous devons nous souvenir, prier et s'occuper ici pour cela, nous soucier de leur avenir, de leur vie, de leur bonheur, comme Néhémie. Aide-nous à le faire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous avons le devoir de prier et de jeûner pour notre pays. Nous allons prier pour nos pays respectifs. En commençant d'abord par la Côte d'Ivoire et partout où vous recevez OSB, identifiez les problèmes qui préoccupent votre pays, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, les problèmes sanitaires, les problèmes économiques, toutes sortes de problèmes et priez le Seigneur. Et si Dieu vous convainc de jeûner, publiez des temps de jeûne et de prière comme l'a fait Néhémie. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un pays que nous aimons. Notre Dieu, notre Père, nous nous soucions de son bien-être, de son avenir, sur le plan politique, sur le plan social, sur tous les plans, Seigneur. Nous voulons intercéder, nous voulons te supplier, nous voulons t'implorer, nous voulons gémir à tes pieds pour que ce pays-là aille bien, que ta main se tende sur ce pays, sur chaque habitant de ce pays. Ô notre Dieu, notre Père, souviens-toi de chaque Ivoirien. Souviens-toi de chaque habitant de ce pays. Souviens-toi de notre bien-être, notre Dieu, notre Père. Permets que tes enfants travaillent. Permets que l'amour soit mis dans ce pays. Nous te demandons d'intervenir pour que le social soit développé. La réconciliation, notre Dieu, notre Père, de tous tes enfants soit, notre Dieu, quelque chose de très important. Bénis nos autorités, garde-les dans le creux de tes mains. Veille sur leur vie, notre Dieu, notre Père. Permets que le développement soit, notre Dieu, notre Père, dans tous les comportements de ce pays. Merci Seigneur, parce que tu as un regard, tu aimes ce pays. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons apprendre à nous identifier au péché de notre peuple, comme l'a fait Néhémie. Nous devons apprendre à dire, Seigneur, nous avons péché. Demander pardon à tout ce qui était commis comme péché. Demander pardon à Dieu lorsque dans notre pays, les viols, les assassinats, lorsque les dépravations sexuelles, oui, sont commis, lorsque les pratiques mystiques, les pratiques occultes, idolâtres, toutes ces choses irritent Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Merci Père, parce que tu veux qu'on se tienne à la brèche. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous identifier à ce pays, à tout ce qui se fait qui n'est pas bien. Notre Dieu, notre Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de toute faveur, Dieu de toute compassion et de justice. Nous voyons, oh, la corruption, la prostitution, notre Dieu, notre Père, le mysticisme, l'occultisme, oh Dieu Tout-Puissant, des choses horribles. Oh Seigneur, nous crions vers toi. Nous t'appelons au secours pour que ta main d'amour, ta main de grâce, ta main de compassion, pour que l'évangile soit prêché dans toute sa vérité, dans toute sa puissance. C'est l'évangile qui touche les cœurs, accompagné par la puissance de ton esprit, pour que des conversions se fassent, pour que notre Dieu des repentances se fasse, notre Dieu, notre Père. Viens au secours des Ivoiriens, viens au secours de ce peuple qui t'aime. Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce, manifeste ta faveur. Nous t'implorons, étends ta main de grâce, étends ta main de miséricorde. Nous avons prié ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur votre vie et sur votre journée, dans le nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu vous accompagne pendant cette journée. Que Dieu vous couvre par son sang, au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à votre côté, 1000 à votre droite, vous ne soyez pas atteints, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. Puissance, par son bras puissant.